sur le sable. Tu es dans mes bras. Les pieds dans l'eau qui coule. Ta poitrine est à moi. Seul au soleil, seulement toi et les abeilles. Sel et sofa pour tes orteils. Oh, et vivre sur une plage. Oh, c'est fait pour toi et moi. Les arbres nous caressent et les oiseaux nous embrassent. Oh, ils chantent comme dans un rêve. Oh, et toi tu bois la tasse. Seul au soleil, seulement nous et les abeilles, si sages et si sûrs sous ce soleil. Oh, t'as de beaux yeux, tu sais. Tu m'aimes? Oh oui. Oh, tu es belle comme une aquarelle de Marie Laurence. Tu peux t'asseoir sur mes rébanes, je te dirai rien. Fais-moi l'amour, mon amour. Y a-t-il une fille qui veuille m'aimer ce soir? Ah oui. Oh ouais.